L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Keirouga. Voilà, c'est ça les bonnes nouvelles de ce matin. Mais voilà, c'est les bonnes nouvelles. On essayait de se dire une bonne nouvelle. Un matin d'hiver à la ferme des quatre filles. Bon, du coup, les nouvelles du matin. Les nouvelles du matin. C'est que le programme de la journée. Là, c'est gelé. Les champs sont gelés. Ouais, avec plaisir. Mais du coup, c'est Jeanne, toi, tu gères l'administratif. Voilà, je fais un point. Et nous, avec Jeanne, on va désherber les framboisiers. Et moi, je laisse ma carte. Ça fait bizarre, une autre Jeanne. J'ai pas l'habitude. Un projet en cours avec deux sœurs et deux cousines. Et après, parce qu'on va pas faire 4 heures de désherbage de framboisiers. Après, c'est bien si on fait un peu de rempotage de camomille. Ouais. Rendu possible grâce à la volonté du maire de cette petite commune de Capcieux, à l'extrémité sud de la Gironde. C'est un peu plus sympa, de temps en temps tu froisses les feuilles, ça sent bon. Puis sous la serre, il fait... ou alors on commence sous par la serre, c'est... non mais c'est très sympa. Ouais, mais sauf que au début, il faut quand même aller en déterrer, parce que là, j'étais toute crampotée, celle que j'ai déterrée. Donc on va déterrer un peu et on sera plus chaud sous la serre que dans super, les champs, là. Super. Ouais, mais là, déterrer maintenant, alors que c'est ça va être sur le tien. Ouais, ça va faire froid aux mains, quoi. Mais oui, on déterre vite fait, on se met vite fait sous la serre. Oui, tu peux vite en avoir une certaine quantité. Si on y va à 3, c'est ça. Mais du coup, moi, je viens pas. Bon. Ou alors, si on y va vite fait, je. Tu nous montres. Oui, voilà. Moi, j'ai fait avec une griffe. Mais il peut y avoir d'autres outils mieux. Hein, mais... Des fois, il y a des tout petites repousses. Tu sais, il y a le pied mère qui a fait des. Mais en fait, le problème, c'est comme on n'a jamais désherbé, c'est hyper enherbé. Il faut quand même les repérer, Les jeunes pousses. Mais après, moi, je trouve que c'est reconnaissable. Mais c'est au milieu du chien d'ange, vers notre herbe. Non, mais on va trouver. Tu gratouilles un peu, tu vois. Y a des fois, c'est tout petit, quoi. Et à chaque fois, t'as un petit bout de radicelle, de racine. Et c'est ça, après, qu'on replante. Qu'est-ce qu'on s'est dit sur... On fait une plante de combien? Je pense que... Là, j'ai démarré la première ligne, là où on va mettre la haie. Donc, on peut continuer déjà à déterrer toute cette ligne. Et l'idéal, ça serait un peu plus que ce qu'il y avait l'année dernière en quantité. On avait fait 300 godets l'année dernière. Il y en avait quelques-uns qui étaient morts sous la serre. Donc on repart sur 300. On peut partir sur 350. Je sais pas. Et en parlant de haie, t'as dit qu'il fallait pailler toute la haie. Oui, on doit pailler. On n'en est pas à compter, là. Déjà, si vous avancez... Là, j'en ai fait 70 godets. Oui, ça va vite. Il y a toujours un peu de perte. Oui, mais je pense qu'on peut en faire plus que l'année dernière. Hein. D'accord. Ok, très bien. Oui, et il faudra finir de pailler, arroser la haie qu'on a replantée. On a replanté une haie sur le bord du parking, là. Oui, entre les fruitiers. Ouais. Et bien là, oui, il faut peut-être attendre qu'il fasse bien soleil pour arroser. Et pailler, ok. Voilà, donc programme de la journée établi. Il n'y a pas d'arrivée impromptue de... Non. Il y a Nico qui va passer pour prendre la carium. Et voilà. Ça va? Bonjour, oui. Bonjour. Oui, oui, ben tu les déposes juste. Tu les déposes? Bon, okay. C'est dur à mettre. Mais après, c'est pour mettre les poignées. Ah oui, les mettre sur les gants, ça c'est pas un problème. On peut le faire maintenant, mais c'est après, vous n'aurez pas les poignées sur les portes pour les fermer et les ouvrir. Vaut mieux attendre. Il y a les serrures, mais. On peut me mettre le droit. Non. Le tournevis. Le doigt. Alors, il faut que j'en essaye une, voir comme si ça va. Comme tu veux, bon, mais alors il faut que quelqu'un l'accompagne. Et alors, cette ferme, la ferme des filles, tu peux décrire un peu le lieu, les bâtiments, les terres? Du coup, on est sur un aérial traditionnel landais. C'est une ferme typique landaise avec cet immense espace vide qu'on voit, ceinturé de bâtiments. Donc, il y avait traditionnellement le séchoir à tabac, des étables. Il y a une ancienne étable encore qui est dans son jus. La maison landaise où les gens vivaient. Vraiment typique avec l'étage, et c'était toujours 4 pièces en bas avec un coin cheminé, toujours reconstitué pareil, et un grand auvent comme ça. Là où vous vivez, vous aussi? Alors, pour l'instant, on a chacune des coins de vie. Il y en a une qui vit à l'étage, parce qu'il y a une petite salle de bain. Il y en a deux qui vivent dans un petit studio, dans le bâtiment en face, qui est beaucoup plus moderne celui-là, et qui a été construit il y a 5 ans. Où il y a une salle de réunion, donc ça c'est un des atouts qu'on a aussi, c'est mutualisé avec d'autres acteurs, notamment la coopérative Coaction qui a ses bureaux à l'étage, et la mairie de Capcieux, et un voisin qui a une activité touristique aussi dans la forêt. Donc c'est un agenda partagé pour cette salle de séminaire qui est de plus en plus convoitée. Et après, on a les gîtes derrière qui ont été construits il y a 20 ans, aux normes écologiques de l'époque, voilà, qui plaisent bien aussi pour une déconnexion. Les gens qui viennent, c'est beaucoup de citadins qui viennent et qui apprécient le lieu pour déconnecter. D'accord. Et pour décrire Cap-Cieux, donc dans les Landes, il y a le parc naturel, le parc... On est sur le PNR et on est pas mal en lien avec le parc, ouais. Sur quoi on est en lien? Récemment, par exemple, on a accueilli un groupe de personnes qui venaient pour voir les grues cendrées. Donc on les héberge dans les gîtes. Ils allaient observer les oiseaux. Voilà, il y a pas mal de petites choses autour de ça. Alors du coup, quand vous avez repris cette ferme ici, vous avez repris à 4 filles. Alors d'abord, on est de la même famille, en fait. Du coup, Jeanne et moi, on est cousines et Julie et Sophie sont nos sœurs respectives. Et du coup, l'idée, c'était de recréer aussi un contexte familial et effectivement féminin. On est issu d'une famille rurale, enfin, on vient de la ruralité aussi. Et nos parents vivent un peu en communauté dans un hameau dans le Médoc. Et du coup, il y avait quand même cette histoire, quoi, voilà, qui nous ramenait à faire un projet collectif voilà, entre nous. Et on s'est retrouvés à un moment donné de nos vies où on était toutes les quatre disponibles pour lancer un projet comme ça. Voilà. Alors ici, on est à peu près une heure au sud de Bordeaux. Est-ce que le lieu est stratégique pour vous? Parce que si vous jouez un peu sur la carte, à la fois production à la ferme, avec vente en circuit court, près d'une grande ville, c'est peut-être pratique. Et pour l'écotourisme aussi? Ouais, alors on n'avait pas de stratégie du tout à l'origine. C'est l'opportunité. Plus on a eu la chance de visiter ce lieu et on est tombé un peu sous le charme de l'Erial et des alentours. Après, nous, le contexte des Landes, c'était pas vraiment une envie particulière. On s'est retrouvés là un peu par hasard. Et finalement, on est assez contents parce qu'on se rend compte qu'il y a un tissu associatif, culturel, des projets en agriculture assez innovants qui se montent dans le coin. Du coup, on a rencontré d'autres maraîchers, on s'est intégrés à des assos et c'est assez vivant et dynamique. Du coup, c'est un territoire quand même assez intéressant et sympa. On est content d'être là. Voilà. D'ailleurs, à la base de votre projet, il n'y a pas uniquement une ferme avec la production. Il y a donc ces gîtes pour l'écotourisme, mais il y a aussi un projet culturel derrière. Oui, il y a un aspect socio-culturel du projet qui nous tenait assez à cœur. C'était le côté d'un projet humain, c'est-à-dire de faire vivre le lieu, de créer un espèce de lieu de vie où on peut organiser des événements, animer des ateliers avec des partenaires. Donc là, on a un peu commencé avec les assos de Cap-Cieux, avec les structures aussi d'hébergement comme les AT, les PAD, la MARPA. Du coup, faire des projets intergénérationnels, mais des projets aussi avec les écoliers. Voilà, enfin, c'est vraiment l'idée de créer un lieu de vie et de faire vivre le lieu. C'est une ferme de proximité, on pourrait dire. Alors, c'est-à-dire que vous travaillez, par exemple, avec des personnes âgées en établissement? En fait, il y a donc un EHPAD assez récent et une MARPA. Donc, c'est deux établissements qui accueillent des personnes, effectivement, âgées. Et l'idée, c'est d'ouvrir un peu notre lieu pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent aussi sortir et redécouvrir, en fait, ce lieu. Parce que c'est un lieu historique, Marance. C'est un lieu qui était très vivant... historiquement, ils organisaient les 14 juillet, il y a le boulanger qui venait cuire le pain ici. Et du coup, c'est les personnes âgées de Cap-Cieux, ils connaissent très bien cette ferme. Et c'est un moment voilà, où ils peuvent redécouvrir. Voilà, il y a une nouvelle activité qui est créée, un peu plus dynamique, enfin voilà, différente en tout cas. Et voilà, c'était intéressant de faire ce pont-là entre les anciens et puis la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en agriculture? Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous faites en production agricole? Alors, qu'est-ce qu'on fait en production agricole? On est déjà on est en AB, en agriculture biologique, sur toute petite surface. Donc on cultive sur un hectare. Voilà, on essaie d'être assez diversifié et de s'approprier des techniques sur du sol vivant, sur des techniques de permaculture, un peu d'essayer d'expérimenter les choses. Et là, on a redéfini un peu toute notre parcelle. Et l'idée, c'est de faire des planches permanentes et de cultiver, faire du petit maraîchage l'été. Et entre cultures, de planter l'engrais vert, mettre des prairies permanentes. On a aussi planté un verger une aspergerie, et voilà, où c'est mixé les usages, c'est-à-dire on a un atelier poule pondeuse, là on accueille des cochons, voilà, et peut-être à terme avoir d'autres animaux sur la ferme qui participent à la vie de la ferme. D'accord. Vous avez aussi... Il y a aussi un atelier, pardon, qu'on aimerait vraiment mener à bien, un atelier plantes aromatiques et médicinales. C'était un peu le cœur du projet à la base. D'accord. Et ça, ça viendra après, c'est pas encore fait. Mais là, on est en train de le monter et on est déjà sur les rails pour le faire, mais c'est long. Et donc, du coup, c'est Jeanne, la spécialiste, qui a été vraiment formée là-dessus et qui est passionnée. Du coup, voilà, on apprend tous les jours avec elle et puis on lance l'atelier comme ça, petit à petit. Okay. Donc aujourd'hui, camomille. Aujourd'hui, camomille romaine. On déterre pour rempoter par la suite, chaque année. C'est un peu laborieux, mais c'est, comme ça sent bon, ça compense. Donc Jeanne, donc c'est toi la spécialiste plantes aromatiques. Comment vous avez monté ce projet entre cousines et sœurs? Chacune a fait une formation agricole un peu spécifique. Vous avez chacune des compétences apportées au projet? Alors sur le plan agricole, je suis la seule à avoir fait un diplôme agricole. Sophie, ma cousine, la sœur de Cécile qui parlait juste avant, a longtemps travaillé aussi quand même pour des maraîchers bio en Charente, là où elle vivait avant. Les filles avaient eu des petites expériences, le fait de grandir à la campagne et puis des petites expériences de travaux dans leur jeunesse en vigne par exemple, en viticulture. Et après chacune... amène ses compétences, pas que sur le volet agricole. Il y a aussi les compétences autres qui sont très utiles pour tout ce qui est l'administratif, la gestion en général, le côté touristique. Voilà, il y a plein de... Nos compétences sont complémentaires avec les parcours de vie aussi que chacune a eu avant, les emplois qui ont amené des compétences. Mm-hmm. Mais sur le volet agricole, voilà, j'étais la seule à avoir le diplôme, ouais. D'accord. C'est suffisant de toute façon pour un projet agricole. Au regard de la MSA par exemple, c'est suffisant. Oui, ça. Et puis après, en fait, on a l'avantage qu'on est agriculteur, on a droit à de la formation chaque année. Et notamment, on est sur des réseaux de petites formations courtes sur une ou deux journées. On en a droit à plusieurs chacune chaque année. Donc on en profite et ça permet aussi aux filles de faire des formations très intéressantes justement sur la MSV, le maraîchage sol vivant, la fertilisation des sols, comprendre son sol, comprendre plein de choses petit à petit. Et ça, c'est chouette. On a droit à ça, c'est quand même bien. Enfin, on cotise à la MSA pour avoir ce droit à la formation. Vous êtes aussi un lieu où d'autres personnes peuvent venir se former? Alors nous, en tant qu'agricultrices, on n'est pas du tout formatrices, on n'a pas du tout les compétences et en plus on débute et on n'est pas du tout légitime pour faire ça. Par contre, comme on est un lieu d'hébergement, c'est vrai qu'on a eu des demandes de formateurs extérieurs, notamment en maraîchage sol vivant. Là, on a des stages en permaculture qui vont arriver aussi au printemps. Nous, en fait, on est lieu d'accueil, mais on ne dispense pas des formations, quoi. Ce sont des formateurs compétents, professionnels, qui viennent, qui créent leur groupe, et nous, on crée l'hébergement et la restauration. Il y a toujours des à côté avec la visite de la ferme. Mm-hmm. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer vraiment les usages ici, quoi. C'est ça qui est chouette. Et d'autres types de formations, un peu vers de l'autonomie. J'ai vu sur la soudure, par exemple, vous avez fabriqué vos propres outils. Ouais. je réponds. Ouais, on a fait une formation avec Farming Soul, qui est une asso de Bretagne et qui est reliée à l'atelier paysan. Ouais. Reliée à l'atelier paysan. Vas-y. Et du coup, l'idée, c'est assez intéressant. Ils créent des prototypes d'outils agricoles. C'est ouvert à tous, accessible à tous. Et ils dispensent aussi des formations. Donc là, on a créé un petit groupe et il se trouve qu'il y a un super lieu alternatif à côté de Capsule qui s'appelle La Papette, où ils ont des gros hangars. Enfin, ils ont repris une ancienne papeterie, voilà, une usine à papier. Ils font quoi? Alors eux, c'est des circassiens, donc il y a des gens qui font du cirque, il y a des gens qui font de la soudure, des gens qui font de la mécanique. Et voilà, en fait, ils ont squatté ce lieu et puis maintenant, ils l'ont acheté. Voilà, c'est un lieu vraiment hyper fou. Ils ont créé des lieux collectifs aussi. Bon, bref, en tout cas, pour dire qu'on a fait cette formation là-bas avec Farming Soul, mais le lieu d'accueil, c'était là-bas. Et effectivement, on a pu construire une houe maraîchère et on importe tout. Donc, c'est un outil qui roule avec des pneus un peu tout-terrain et qui permet de transporter plein de choses facilement dans les champs, sans utiliser du coup de pétrole. Donc c'est ça qui était sympa. C'est, voilà. C'est l'idée de se libérer un peu aussi des outils traditionnels. Même si on a un tracteur et qu'on va continuer à s'en servir, voilà, d'avoir un peu les deux aspects. Okay. Voilà. Alors, la camomille. Alors, Mais on se dirige vers la camomille. Qu'est-ce que t'as dans tes bras, là, comme outil ? Alors là, j'ai juste pris deux petites griffes, deux paires de gants et un pot pour mettre les petites repousses de camomille pour ensuite les rempoter dans des petits godets avec du terreau. Alors là, on est aussi accompagné d'une jeune fille woofeuse. Oui, bonjour, je m'appelle Jeanne aussi et je viens pour 2 semaines pour faire du woofing ici. Bah, moi, je viens de Paris. Je suis le prototype de la bobo parisienne au bord du burn-out qui vient de quitter une expérience de travail un peu toxique et je sais pas, il y avait l'air d'avoir beaucoup de... Ouais, pardon. Il y a de l'engrais vert. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. On marchait sur de l'engrais vert, donc on essaie de se déplacer. Et donc du coup, enfin, je sais pas, on m'a dit que cette ferme des filles, les 4 filles étaient formidables et moi j'avais envie de retrouver un peu, enfin je sais pas, d'être en lien avec la nature, la terre aussi, parce que c'est bien joli de parler d'écologie d'un point de vue extrêmement théorique et abstrait quand t'es dans la bulle parisienne, mais bon, à un moment il s'agit quand même de mettre un peu les mains dans la terre et tout, et donc bah, je viens découvrir ça. Alors le woofing c'est quoi ? Bah en fait, bah, moi c'est mon premier jour, hein, mais en gros, tu bosses 5 heures par jour pour les aider en fonction de tout ce qu'il y a à faire sur la ferme. Puis le reste du temps, bah, t'es hébergé, nourri, et puis le reste du temps, t'es libre. Et puis en fait, bah, c'est génial parce que, enfin, en plus, on a quasiment le même âge. C'est découvrir un autre mode de vie aussi, tu vois. Voilà. Et alors toi, t'es bobo, ça veut dire intéressé par la nature, mais loin de la nature, c'est ça ? Bah oui, moi j'habite à Paris, à côté de Belleville, si tu veux, t'as toutes les biocopes, t'as Naturalia qui vient s'installer et tout. Enfin non, mais je comprends que le tournant vers le bio, c'est bien, mais moi j'arrive en bout de chaîne, tu vois. Et donc, je suis intéressée aussi par le changement des modes de production et des modes de vie que ça peut induire. Voilà. Moi, j'ai cuté un peu les racines aussi. Là. D'accord, tu cutes un peu les petites radicelles. Okay. Voilà. Et là, quand c'est comme ça ? Alors ça, c'est pas une camomille. Ah, d'accord. C'est vraiment les feuilles découpées, là, très découpées comme ça. Très jolies. Ça non plus, alors. À l'odeur, tu la connais, l'odeur ? Ouais. On la reconnaît aussi. Donc Jeanne, effectivement, il y a toujours des petites plantes qui ressemblent parfois. Là, il y a ce phénomène quand on cultive une plante. Il y a toujours une plante... Enfin, moi, j'ai remarqué ça. Qui arrive, qui ressemble à la plante qu'on cultive, mais ce n'est pas elle. C'est ça. Donc, okay. Tu peux la sentir. Ouais. Il y a une odeur si tu froisses les feuilles légèrement. Et du coup, effectivement, il y a celle-ci qui ressemble, qui pourrait ressembler de loin. Ouais. Puis en fait, mais elle est mignonne aussi celle-là. Les feuilles, elles sont moins. Ça, c'est une petite fabacée, mais voilà, faut. L'idée, c'est de garder vraiment que ce truc-là, et après sous la serre, vous couperez ça. Elle t'expliquera, Cécile. Un peu les petites racines. Un peu les racines. Ok. On les met de côté. Donc ouais, ça, vous pouvez les mettre dans le pot au fur et à mesure que vous les ramassez. Okay, il y en a tellement et on va pas tout reprendre. Autant pas trop vous embêter, prendre les plus jolies au fur et à mesure. C'est pas grave si vous en laissez sur la ligne au fur et à mesure. Voilà. Ok. Avec la petite griffe, le sol, il est meuble. Vous allez juste vous amuser et vous tremper les genoux. Ça, c'est pas très rigolo. Mais voilà. Et est-ce qu'on continue, on fait une visite générale ou mm-hmm. Bah allez. On vous laisse alors. Ouais. Merci. Bonne visite. Bon repiquage. Enfin, ouais, merci. Bon courage, à tout à l'heure. Allez, à ouais. Alors, donc là voilà, il y a encore ce petit bout là, c'est de l'engrais vert. Donc c'est premier test d'engrais vert. On a fait une commande groupée avec d'autres agriculteurs du coin pour avoir des prix moins chers parce que ça coûte un peu cher, l'engrais vert. Mais du coup, on l'a reçu trop tard et planté trop tard. Donc là, il n'est pas très haut. Après, au printemps, il peut dépasser notre taille hein, normalement. Donc la fèverolle, là, c'est un mélange de fèverolle, seigle et vesse, une autre fabacée. Donc voilà, ça, ils poussent un peu, mais pour l'instant, on est un peu déçus. C'est notre première fois, mais voilà, on verra bien. Et puis l'idée de l'engrais vert, il y a plusieurs rôles, mais il y a entre autres nourrir le sol, ne pas laisser la terre à nu entre deux cultures, préparer le sol pour les futures cultures maraîchères de cet été. Et là, dans cette petite parcelle, on va avoir des petites bandes de 10 mètres, des petits carrés qu'on a designés avec des... Il y aura des aubergines, il y aura des tomates, il y aura des plantes médicinales un peu aussi. Voilà, il y aura plusieurs cultures. Alors du coup, là, on se dirige vers les poules. C'est une de vos activités, donc production d'œufs. et vous livrez en circuit court à Bordeaux. On vend encore une toute petite partie de notre production à Bordeaux, dans une petite épicerie vrac. Et on vend parfois aussi des légumes, donc c'est intéressant pour nous, parce qu'elle nous les achète au juste prix, donc c'est un partenariat intéressant pour nous. C'est le seul point de vente de Bordeaux, parce que finalement, plus ça va, plus il y a une logique d'être sur le territoire local. Et Bordeaux, c'est quand même loin. Donc en fait, on fait le marché à Bazas, à 15 km d'ici. Et à terme, si on peut se débrouiller qu'avant notre production sur le local, c'est aussi bien. Après, c'est toujours bien d'avoir une visibilité sur une grande ville pour pouvoir... on ne sait pas, pour le futur, c'est bien de pouvoir... Parce qu'on veut faire des produits transformés à terme. Donc c'est quand même bien de pouvoir être en lien avec une épicerie qui est susceptible d'acheter nos produits. C'est rassurant aussi. Alors c'est quoi vos projets de produits transformés via une conserverie peut-être ? Via une conserverie, ben des coulis de tomates. On s'est déjà entraîné de façon amateur cette année. Et voilà, peut-être passer au pro dès cette année. Des coulis de tomates, des chutneys. Et après, avec les plantes médicinales, des cosmétiques et à terme de la distillation et des hydrolats. Et tout ça à 4 personnes sur une ferme avec un projet écotouristique et un projet socio-culturel aussi derrière, d'atelier. Vous allez devoir embaucher, non ? Mais à terme, peut-être. C'est très évolutif. On en est à juste une année de recul, c'est très peu. Peut-être qu'il y a des choses qu'on sera obligé d'abandonner parce qu'on a envie de faire trop de choses. Donc ça, c'est éparpillant aussi. Donc on est en train de toujours se restructurer, se recentrer. Et puis l'idée, c'est aussi que chacune trouve sa place et puisse s'éclater dans ce qu'elle aime faire. Cécile qui parlait avant, elle a été beaucoup dans le domaine socio-culturel, donc dans le social. Donc ça lui tient à cœur de développer des projets avec les écoles, avec des personnes handicapées. Ici sur la commune, il y a un ESAT avec 80 résidents handicapés. Donc voilà, on envisage des partenariats. On les a déjà rencontrés plusieurs fois. Voilà, il y a plein de... Il y a plein de choses. On gardera toujours le volet agricole, quoi qu'il en soit, parce que c'était aussi un des piliers du projet. Même si ce n'est pas ce qui nous fera vivre, moi, personnellement, c'est ce qui me fera vibrer. Les plantes médicinales, c'est pour ça que je suis là. Donc voilà, après, à chacune de trouver aussi sa voie. L'idée, c'est de ne pas s'épuiser aussi. Je suis essoufflée, c'est terrible. Oui, 5 minutes, alors t'es essoufflée parce que en tant que nouvelle fermière qui se lance en agriculture, tu es enceinte. Voilà, c'est ça, ça tombe au bon moment, mais il n'y a pas de bon moment, il n'y a que des vrais moments. Donc voilà, oui, je suis enceinte, donc d'ici peu, je ne serai plus présente sur la ferme pendant 3-4 mois. En tout cas, en force vive, je ne serai pas là. J'essaye de faire un peu plus de travail de bureau. J'accouche dans 3 mois. Donc voilà, là, je commence à voir. Hier, j'ai nourri les poules. Je pense que c'était la dernière fois, hein, physiquement, ramasser les œufs. Parce qu'il y a des rebelles, des poules rebelles qui pondent pas dans les pondoirs. Donc il faut se baisser beaucoup et chercher les œufs dans des cachettes. Donc ça, je commence à avoir du mal. Alors là, on est devant vos poules. Ce qui est très, très beau, c'est qu'on arrive et... elles viennent nous voir, ça veut dire que elles sont très heureuses. Bien-être animal, là, ça se sent. On voit que elles sont pas du tout farouches et qu'elles sont, elles sont bien. Mais on essaie hein, de les chouchouter. Bon, mais après, on a encore beaucoup à apprendre. On les nourrit avec un mélange de grains bio. On essaie de leur faire des petits compléments parfois aussi. On réfléchit avec d'autres. On commence à réfléchir, mais c'est pour le futur. À autoproduire certains de nos aliments, mais c'est très compliqué. Pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. Mais à terme, vu qu'il y a de plus en plus de petits maraîchers qui se lancent et qui parfois font un atelier de poules pondeuses, il y a une réflexion autour d'autoproduire peut-être en commun ces aliments soi-même, voilà, pour le côté autonomie. Mais bon, c'est une idée qu'on a parmi d'autres pour l'instant. Et parce que là, on est encore dépendant voilà, d'un fournisseur extérieur qui nous livre en camion. Voilà, c'est dans l'idée toujours de limiter le pétrole et tout ça. Mais bon, il faut un peu de surface pour autoproduire. Et puis, c'est pour un aliment complet pour une poule, c'est quand même un peu compliqué. Il faut s'y pencher, il ne faut pas qu'un seul truc. Après, par exemple, on a un agriculteur à côté qui produit du lin bio, donc il y a peut-être une piste avec le lin. On est quand même dans une zone où il y a beaucoup de maïs qui est produit aussi dans les Landes, donc à voir. Une réflexion sur ça. Alors du coup, tu peux décrire là où évoluent vos poules, parce que c'est pas non plus trop banal, je pense. Hein. Elles sont vraiment au pied des arbres. C'est des poules en permaculture. Enfin, tu dis en agriculture bio. Bon, elles sont labellisées, en tout cas leurs œufs. Oui. Bon, on a le label bio hein, pour voilà, pour toucher un certain public. Après. On essaie de leur faire des parcours mobiles, donc, parce qu'à la base on a construit deux poulaillers mobiles, mais en fait qui sont très conséquents. On a même failli les garder pour des maisons pour nous, tellement elles étaient jolies, ces cabanes. On les a transportées en tracteur, donc elles sont posées sur des parpaings et elles sont mobiles, mais elles ne bougent pas toutes les semaines. Là, ça fait 6 mois qu'elles sont là. Il faudrait qu'on construise un autre grand enclos poulailler pour pouvoir les déplacer, donc c'est prévu pour le futur. Donc quitte à ce que finalement les poulaillers mobiles soient finalement sédentaires pour l'instant, on a décidé d'investir une clôture mobile où c'est la clôture qui bouge, mais au pied des arbres puisqu'on est à l'orée de la forêt, et aussi dans l'idée, si on veut aller dans l'idée de la permaculture, c'est aussi récupérer la fiente des poules. Donc on les a fait naviguer entre nos rangs de framboisiers pour qu'elles non seulement travaillent le côté désherbage. Comme ça, elles travaillent pour nous, c'est super, et nous, on a un peu moins de boulot. Et en même temps, elles amendent un peu aussi au pied des framboisiers. Et on a fait comme ça, on les a fait circuler sur toutes les zones de framboisiers. Pour nos arbres fruitiers, c'est pareil, pour l'avenir, ça sera super d'avoir des poules qui viennent gratouiller au pied des arbres. Pour l'instant, ils sont encore un peu trop jeunes, mais d'ici 5-6 ans, ça sera très bien de pouvoir y amener les poules une certaine durée, ça leur fera du bien. Dans l'idée d'utiliser les forces de la nature et limiter le travail humain. C'est les poules qui travaillent par leur activité normale qui vous aide à entretenir le terrain. Voilà, c'est plutôt chouette comme idée. Dès le début, on avait dans l'idée de faire quelque chose comme ça, donc c'est super. On a été les poulaillers finalement bougent pas trop pour l'instant, et on a réussi quand même à les déplacer pour qu'elles aillent voir de l'herbe verte régulièrement. Parce qu'on en a quand même pas mal, au final, des poules. On en a 240, donc c'est quand même un certain nombre. Et inévitablement, au bout d'un moment, même si vous mettez 10 poules dans un grand périmètre, à un moment donné, l'herbe disparaît assez rapidement, finalement. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent aller voir l'herbe verte et en rotation. Et on leur a fait le parcours en rotation pour qu'elles puissent aller voir les petits vers de terre régulièrement et l'herbe verte. Okay. Aujourd'hui, sur le projet de base, vous avez quand même commencé à réaliser le gros du projet agricole dans la ferme des filles. Mais il y a aussi donc ce côté gîte forestier. Donc vous avez commencé à accueillir dans vos chalets des personnes qui viennent pour se ressourcer dans ce parc naturel de la forêt des Landes. Mais aussi des séminaires, des gens qui voudraient travailler. Il y a une grande salle de réunion. Et vous êtes en lien avec le tissu local, et ça c'est intéressant, tu disais, dans cette salle de réunion, elle est partagée avec la commune et une association. Coopérative Coaction, qui est dans l'ESS, Économie Sociale et Solidaire, qui regroupe beaucoup d'entrepreneurs, après tout un service administratif. Et donc ils se réunissent régulièrement ici pour diverses séminaires, réunions qu'ils ont au sein de leur coopérative. Donc c'est intéressant d'être en lien avec des gens qui viennent sur le site et qui ont des projets qui résonnent avec le nôtre très souvent. Donc ça, c'est assez enrichissant. On a par exemple eu un séminaire de 2 jours en septembre. C'était une entreprise sur l'énergie, donc c'est toujours intéressant. Comme ça, au passage, on fait un petit diagnostic énergie de nos gîtes, où on pose des questions, ça crée des stimuli, des échanges, c'est super chouette. Ça, c'est génial. Voilà, donc la ferme des filles, un lieu ouvert, donc on peut venir vous rencontrer, passer des vacances, filer un coup de main en woofing. Donc à Cap-Cieux, en Gironde, à peu près 1 heure au sud-est de Bordeaux. Merci. Voilà, merci à toi. C'était l'ours et la carotte. écoutable sur Internet. Thank you.